Portrait d'assaut sur Fadjet. Découverte aujourd'hui d'une chorale pas comme les autres, c'est la chorale Tutti Quanti qui a été créée en 2007. Nous accueillons aujourd'hui pour en parler Marilène François, bonjour. Bonjour. Cette chorale en quelques mots, comment vous la définiriez ? Je suis chef de chœur, professeur de musique et c'est une chorale qui est un projet très original puisque l'idée de ce chœur c'est d'inclure des personnes qui aiment chanter, ça c'est vraiment le point commun à tous, à toutes, mais des personnes qui sont en situation de handicap moteur ou visuel et des personnes valides. Vous accueillez combien de choristes aujourd'hui ? On a redémarré en septembre avec 35 personnes et on a accueilli quelques personnes nouvelles. Donc elle a été créée en 2007. L'idée de départ de cette chorale, quel a été le déclic pour dire ben voilà, on va créer une chorale inclusive ? Alors c'est grâce à deux personnes, je pense. Pour l'une d'elles, c'est Françoise Beltrameau, c'est un médecin, et puis Pierre Chevrier qui lui est chef de chœur. Pierre dirigeait depuis longtemps un chœur dans l'agglomération de Nancy. Pierre et Françoise ont eu cette idée de rendre accessible justement leur passion de la musique et du chant choral en particulier à toutes les personnes, voilà. Mais c'est sûr que Françoise étant médecin et travaillant à Brabois en réadaptation, je pense qu'elle était très sensible à ça. Et c'est vraiment grâce à ces deux belles personnes, Françoise et Pierre, que ce projet a eu lieu et j'ai accepté de reprendre un petit peu le bébé. Parce que vraiment, je trouve qu'un projet musical et humain de ce type, ça vaut le coup quand même qu'on continue. Vous l'avez découverte comment justement, cette chorale ? Moi-même, je suis chef de chœur depuis très longtemps. Oui. Et j'ai eu l'occasion de connaître Pierre Chevrier, donc le chef de chœur de cette chorale à l'origine. Et puis deuxièmement, je suis aussi professeur de musique en collège et plusieurs fois, j'ai fait venir Tutti Quanti au collège et on a pu faire des projets avec mes collégiens. D'ailleurs, c'était très fort de voir ces adolescents qui découvraient qu'on peut être en situation de handicap, on peut avoir des problèmes moteurs ou même ne pas voir. Mais ça permettait malgré tout de créer des liens forts grâce à la musique. Et c'est ce qui me plaît d'ailleurs dans la musique et en particulier le chant choral parce que ça met tout le monde à égalité. Voilà. Et j'ai eu aussi, un peu plus loin, la chance de travailler avec des gens à la rue avec ATD Carmonde. Donc je crois fort à ce message que la musique, elle est là pour réunir les gens. Voilà, elle rassemble tout simplement, elle efface toutes les différences. Ouais. Quand on chante, on oublie, on sait lire ou pas lire. On n'est pas du même pays, on n'a pas la même langue peut-être. On a la chance de voir ou de ne pas voir, on a la chance d'avoir deux jambes qui fonctionnent ou pas. Mais on peut faire des choses ensemble. Aujourd'hui, comment elle fonctionne ? Vous avez régulièrement des temps où vous retrouvez pour répéter, j'imagine, bien sûr, où ça se passe ? On répète les mercredis soirs et justement, ça se passe boulevard Lobo à l'IRR, qui est l'Institut Pierre Quin de réadaptation, qui nous prête ses locaux. D'ailleurs, le siège social se trouve à l'IRR, rue Lobo. Et puis, une fois par mois, nous répétons le samedi après-midi. Alors, tout simplement parce que les gens en situation de handicap sont souvent fatigués, notamment le soir. Et puis aussi, sont tributaires des transports, viennent avec Andistan. Et du coup, faire des répétitions le mercredi soir, c'est bien, mais de temps en temps, une fois par mois, un samedi après-midi, ça facilite, je crois, l'apprentissage de tous. Et puis une fois par mois aussi, c'est moi qui monte à l'ALAG. L'ALAG, c'est un lieu de vie des personnes en situation de handicap qui se trouve dans le secteur de Gentilly, là-haut. Ça permet aussi à ces personnes qui vivent là de ne pas prendre justement toujours les transports. Donc c'est moi qui bouge et qui vais faire travailler le... Ce sont beaucoup des hommes qui sont là-haut. Quand la proposition de cette chorale Tutti Quanti a été proposée à ces personnes qui sont en situation de handicap, il y a eu tout de suite beaucoup de volontaires. Oui, en fait, je connais un peu l'origine de la création de cette chorale. Pierre Chevrier, donc le chef de chœur, était lui-même chef de chœur donc d'une grande chorale, la Manon Chante, dans la banlieue de Nancy. Et beaucoup de ces choristes ont accepté le projet et ont continué à chanter dans leur chorale d'origine, mais aussi ont chanté une deuxième fois dans la semaine avec les choristes de Tutti Quanti. Donc, actuellement, il y a encore beaucoup de choristes qui sont là, les choristes valides, ce sont les choristes qui avaient vraiment décidé de rejoindre ce projet. D'autres aujourd'hui peuvent rejoindre également. Évidemment, c'est ouvert à tout le monde. Alors, parmi les choristes, je remarque, puisque je découvre ce chœur seulement depuis le mois de septembre, mais parmi les choristes, je remarque qu'il y a quand même pas mal de monde du monde médical, puisqu'il y a des kinés, des médecins, voilà. D'ailleurs, le président actuel est un médecin. Aussi. Et je pense que c'est pas neutre. Ces gens-là ont travaillé soit à l'IRR, soit dans le monde médical. Ils savent ce que ça veut dire aussi, le handicap, j'imagine. D'ailleurs, c'est nécessaire puisque quand le cœur est venu dans mon collège, tout de suite, on s'est aperçu que c'était compliqué. Il fallait aussi des aides-soignants parce que certaines personnes ont des piqûres, des médicaments, ne peuvent pas se rendre aux toilettes. Enfin, les choses les plus simples pour nous quand on a la chance d'être valide. Donc tous ces gens font un énorme engagement. Non seulement ils viennent chanter pour le plaisir, mais aussi quand même en tant que personnel médical, ils donnent un sacré coup de main. Et quand on est chef de chœur, après, on adapte aussi sa manière d'apprentissage avec ces personnes qui ont justement ces handicaps. Ouais, je découvre. Hein, c'est pas simple. Pour moi, ça. Par exemple, moi, je faisais beaucoup travailler mon cœur debout et puis on fait des étirements, on bouge. Oui. Et ben, j'avais quelques hésitations lorsque j'ai repris le cœur. Et puis finalement, on m'a expliqué gentiment et puis je m'en suis rendu compte. Ben, je fais le plus naturellement possible parce que voilà, bah, les personnes ne sont pas bêtes, elles adaptent elles-mêmes, elles peuvent ou elles ne peuvent pas. Elles connaissent leurs limites. Après, il y a aussi des personnes qui sont aveugles et quand on est chef de cœur, bah, on dirige avec nos mains. Donc en situation de concert, on va voir, mais il y a aussi ces personnes qui ne voient pas, ont développé évidemment un autre sens, hein, l'ouïe qui est hyper important. Elles sont très très fortes pour sentir quand on respire ensemble, pour sentir les départs. Et puis il y a des petits trucs, hein, un choriste à côté voyant peut donner un petit signe en pressant sur la main du voisin. Enfin voilà, je pense que c'est quand même des choses qui moi en tant que chef de chœur m'interpellent, mais ça va m'enrichir, c'est évident. Hein. Oui, vous apprenez autant qu'eux. Ah bah ils sont gentils, ils m'apprennent, oui, plein de choses. Ouais. Et parlons maintenant, parce que c'est beaucoup de la musique hein, qu'il est question oui, dans une oui, chorale. Oui. Alors justement, est-ce que vous adaptez aussi le répertoire? Comment vous le choisissez? Qu'est-ce que vous proposez? Bah déjà, je choisis des choses que j'aime parce que je peux transmettre que des choses voilà, qui sont faciles pour moi. Alors moi, je sors du conservatoire de Nancy, hein, donc j'ai quand même une formation hyper classique. Mm-hmm. Mais par mes collégiens, par d'autres expériences, j'ai quand même aussi un peu ouvert mes horizons. Là, actuellement, je fais des chants plutôt des chants du monde. Donc on va chanter un chant à la paix, hébreu. On chante des chants qui viennent de Croatie, qui viennent de différents pays. J'aime beaucoup ce folklore qui nous fait voyager. Et j'espère nous rendre plus tolérants, du coup. Et puis, on chantera quelques petites pièces classiques, entre guillemets, et puis de la variété française, mais des variétés plutôt type Jean Ferrat ou autre, qui me plaisent beaucoup, voilà, qui ont un sens pour moi, en tout cas. Et après toutes ces répétitions, j'imagine qu'il y aura des temps forts aussi, des temps où il y aura un public aussi en face de cette chorale Tutti Quanti. Alors, il n'y a peut-être pas encore de date précise, mais c'est dans les projets, c'est dans les cartons. Oui, oui, j'ai des amis là, qui forment un trio vocal, là, Jean-Yves Gall et ses amis. Et l'idée, c'est de nous réunir dans un concert commun, alors peut-être en avril, en mai, en juin, donc on va fixer la date prochainement. Il nous est arrivé aussi, enfin il est arrivé au cœur de chanter pour les malades de l'IRR, donc des petites choses comme ça. Moi, en reprenant ce cœur début septembre, j'avais quand même envie de ne pas me précipiter, de prendre le temps de travailler avec eux, de les connaître. Et donc, en gros, pas de concert avant le mois d'avril, si ce n'est peut-être une intervention comme ça, amicale, dans les lieux qui nous hébergent. Et on peut suivre l'actualité peut-être de la chorale? Comment peut-on faire aujourd'hui? Alors, nous avons un site qui n'est pas actualisé, mais qui va l'être bientôt. Donc, pour les personnes qui souhaitent nous rejoindre bientôt en tapant voilà, Tutti et Cantis, vous allez trouver. Et puis on peut joindre Françoise Beltrameau, qui est une personne qui a fondé la chorale et qui est la secrétaire. Elle a un mail, elle a un numéro de téléphone. On les retrouvera sur le site de la radio, voilà. Ce sera plus simple que de les donner à la radio. Voilà. Si vous aimez chanter, si le projet musical vous plaît, eh bien, on recrute sans problème, il n'y a pas de souci. Exactement, là aussi on vous contacte tout simplement, qu'on soit une personne valide ou qu'on connaisse quelqu'un qui puisse être en situation de handicap aussi. Voilà, c'est ça. Un dernier mot peut-être là, pour résumer un peu votre nouvelle aventure musicale qui commence. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Alors moi, j'étais quand même un petit peu, mais c'est aussi ma nature, un petit peu angoissée en me disant « Oh là là, est-ce que je serai à la hauteur ?» Je ne sais pas. Ben pour l'instant, je suis ravie hein, de ce projet. J'attends de découvrir des choses. J'attends, j'espère que les personnes avec qui je travaille soient heureuses. Et puis au-delà, peut-être montrer aux autres que malgré nos différences, on peut vivre ensemble. Ce n'est pas un souci. Et pour conclure, si on devait diffuser une chanson pour illustrer un peu cette aventure musicale à la chorale Tutti Quanti, parce qu'il est question de musique justement, quel titre pourrait conclure Ben peut-être le chant français là qu'on a commencé ensemble, c'est le lion est mort, le fameux lion est mort qui est un chant zoulou mais qui a été repris par Henri Salvador. Il y a des harmonisations pour chœur mixte, donc voilà, on est en train de travailler ça. Et en attendant de découvrir le travail réalisé par la chorale Tutti Quanti, nous écoutons un extrait de ce titre de Lion est mort ce soir, ici interprété par la chorale lavalloise, Coup de cœur. C'était Portrait d'assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.